Salut et bienvenue sur ce premier Cosmo Podcast, le premier d'une série que j'ai décidé d'intituler Pourquoi tu joues ? Et j'espère qu'il sera donc le premier d'une série relativement longue puisque j'ai un certain nombre de projets à ce niveau. L'objectif de la série, j'en ai déjà parlé, je le rappelle vite fait, c'est de donner la parole aux joueurs et joueuses dites normaux, qui ne sont ni auteurs, ni éditeurs, ni particulièrement actifs dans les sphères rôlistes en ligne, et qui pourtant jouent depuis plusieurs années, parfois depuis de nombreuses années, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de passion, même si j'aime pas tellement ce terme-là, et qui pourtant paraissent totalement absents de ce qu'on appelle le milieu rôliste, entre guillemets, et de leur donner un peu la parole pour savoir donc pourquoi ils jouent et qu'est-ce qu'ils en retirent. Pour ce premier épisode, je suis avec Alice. Salut. Salut. Et on va donc discuter de ta pratique du JDR, si ça te va. Oui, oui, oui. Super. Donc, on est quelque part dans un endroit tenu secret. Vous entendrez peut-être un petit peu de bruit de fond. C'est pas très important, le lieu n'a aucune importance. Il n'y a que l'époque, bien sûr, qui compte. Donc, c'est parti. C'est pour la saison 9 de Cosmo Orbus. Ça sortira, si tout va bien, en septembre ou octobre. On verra. Donc déjà, en quelques mots, le but, c'est que je parle moins que toi. Pour te poser quelques questions, soulever des thèmes et tout. Je pourrais pas m'empêcher de réagir, mais le plan, c'est quand même que tu puisses... me couper la parole si je parle trop, donc n'hésite pas. Est-ce que tu peux déjà nous présenter en quelques mots un peu ton parcours parcours de rôliste, hein, bien sûr, depuis combien de temps tu joues, à quoi tu joues, etc. Alors moi j'ai commencé il y a, je pense, 13 ans maintenant à jouer aux jeux de rôle. Au début c'était plus par hasard, je me suis retrouvée traînée à une partie par un copain qui ne parlait que de ça. Et donc je me suis retrouvée à une table avec quelques personnes que je connaissais bien, d'autres très peu. Un petit peu perdu, et depuis je n'ai pas arrêté de jouer, et j'ai joué donc à Donjons et Dragons, Vampire, Cthulhu, Sombre, Harry Potter, Cops, et j'en oublie sans doute, voilà. Alors je précise que en fait on joue à la même table depuis 13 ans, puisque c'est à ma table que tu t'es invité, parce qu'au départ c'était plus ou moins... voilà, il y a maintenant 13-14 ans. Oui, on m'y a invité un peu plus, enfin moi j'étais là un peu par hasard, c'est vrai. Oui, voilà, mais donc je précise, voilà, pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous connaissent pas forcément personnellement, c'est qu'en fait on est super potes depuis très longtemps, et que c'est aussi pour ça que je t'ai proposé, c'est parce qu'en fait on joue depuis longtemps, ensemble. Oui, on a une expérience commune, puisque j'ai quasiment, enfin, pendant toutes les premières années où j'ai joué, c'était uniquement toi qui étais maître du jeu, puis après d'autres personnes autour de la table ont pris le relais aussi de temps en temps. Voilà, c'est ça. Donc tu jouais du coup, et tu joues encore depuis un peu plus d'une dizaine d'années, et avec quoi comme récurrence en gros ? Je pense que là maintenant on joue peut-être un petit peu, on a repris un peu plus régulièrement, mais ça doit être une fois toutes les deux semaines peut-être, si on fait une moyenne. Ce qui est pas mal, hein, par rapport à pas mal de gens qui jouent ou qui aimeraient jouer, il y en a beaucoup qui peuvent pas. À une époque, on jouait une fois tous les 4 à 6 mois, parce qu'on se voyait pas, on n'habitait pas dans la même ville, et on jouait des grosses parties, je sais pas si tu te rappelles. Oui, on faisait oui, c'était un peu plus long, là c'est du plus régulier, en soirée, en semaine, alors qu'avant c'était sur un week-end, une grosse journée, des parties de 16 heures, voilà. C'est pas le même format, c'est pas la même chose. Moi j'aime bien celui qui permet d'avoir une régularité quand on joue. Je trouve que ça permet vraiment de se plonger plus profondément dans les univers. Ouais, de jouer en campagne en fait. Voilà, c'est plus plaisant. Et du coup, donc, tu nous as cité quelques jeux. Alors je précise, le jeu Harry Potter auquel on joue, c'est Tu es un sorcier, dont j'ai déjà parlé sur Cosmo. Vous aurez un lien dans la description de cette émission. C'était Donjons 3.5. Voilà, je crois qu'on a peut-être testé quelques autres trucs, mais globalement, ouais, c'est le cœur quand même de ce dont on a pratiqué. Donc je pense que c'est déjà un bon aperçu. C'est pas mal des jeux quand même d'ambiance, ou des jeux pas mal d'horreur, à part Donj et Cops, qui sont des jeux atypiques et sur lesquels on a passé pas mal de temps. C'est quoi toi le style de jeu qui te plaît en fait ? Il y a plusieurs styles qui me plaisent, globalement ça dépend, et même Donjons ou Cops ou Cthulhu, on les a joués de manière différente selon les parties. Les ambiances n'étaient pas les mêmes, le mode de jeu pas toujours le même, on a parfois allégé, on s'est parfois permis des libertés pour adapter. Moi je dirais que ce qui me plaît, c'est quand justement je disais je peux jouer en campagne de manière récurrente avec une table qui a un nombre de joueurs relativement limité. Quand on est trop nombreux, c'est plus compliqué de se mettre dans l'ambiance. Et après, j'aime bien la variété des univers. Même si évidemment, comme beaucoup à notre table, on a été très marqué par Donjons et Dragons, donc on y revient avec plaisir, mais au contraire, découvrir des choses nouvelles, c'est un petit peu l'objectif aussi pour moi du jeu de rôle. C'est pas uniquement jouer le personnage, c'est sortir un petit peu de son quotidien. Donc voilà, jouer mon quotidien, ça me plairait beaucoup moins. Ouais, d'ailleurs, il y a assez peu de jeux qui te permettent de jouer ton quotidien directement. Il y a Happy Together, donc, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Non. C'est, moi, non, j'ai jamais joué, j'ai même jamais lu le bouquin, mais c'est un jeu minimaliste pour jouer des moments simples de la vie quotidienne. J'en ai entendu parler vendredi soir. Ouais, on en a parlé vendredi soir. Enfin donc voilà, à part ça ouais, c'est surtout des jeux pas mal des paysans. Ok. Et t'as déjà lu des bouquins de jeux de rôle ou pas? J'ai déjà feuilleté des bouquins de jeux de rôle, surtout de Donj, parce que je les ai sur mon ordi. Chez toi, chez d'autres amis, mais j'en ai pas moi chez moi, directement. Et puis j'ai jamais été maître du jeu aussi, et je pense que ça joue. Donc je me suis intéressée aux différents... à différents jeux auxquels on a joué, mais toujours du côté joueur. Et jamais vraiment du côté maître du jeu, qui finalement a besoin de maîtriser plus les livres, et c'est plutôt... Mais je crois savoir que tu as un projet quand même de mener dans pas longtemps. Oui, des amis m'ont demandé de les initier au jeu de rôle, j'ai jamais masterisé, et du coup je vais sans doute le faire prochainement, mais je ne sais pas encore quand. Donc là ce sera... Et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire sur des personnes qui n'ont jamais joué, qui ne sont pas à ma table depuis 10 ans. Et... Bah ouais. C'est l'occasion, on va dire. Ok, c'est assez récent, mais il y a eu quand même pas mal de discussions dans les dernières années dans le milieu rôliste qui ont un peu débouché ou qui ont entouré la sortie d'un bouquin aux éditions Lapin Marteau qui s'appelle Jouer des parties de jeux de rôle. Et en fait, ces discussions-là mettaient en avant le fait que traditionnellement, on avait un peu tendance à considérer que les bons joueurs devaient devenir meneurs, que c'était une suite logique comme un peu gagner un niveau, quoi. Et en fait dans ce bouquin là et dans les discussions qui sont suivies, c'est apparu qu'en fait pas forcément, tu peux très bien être un bon joueur et vouloir être un encore meilleur joueur ou juste t'amuser et faire des trucs qui te plaisent bien, et que c'était pas forcément une upgrade. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis plutôt d'accord avec la deuxième proposition. Je pense pas que ce soit une upgrade, je pense que c'est pas la même chose, que selon les personnalités, les goûts des gens, on n'a pas forcément envie de le faire et qu'on profite pas de la partie de la même manière quand on est joueur ou maître du jeu. Mais je pourrais comparer plus facilement une fois que j'aurais essayé. Pour ma part, si j'avais pas eu cette demande, je pense pas que je me serais dit ça me manque spécialement de masteriser une partie. C'est pas forcément quelque chose qui me manque dans mon rapport au jeu de rôle. Être joueur, ça me plaît très bien. Être joueuse, ça me plaît très bien. Et alors, comment tu joues en fait, en gros c'est un peu large comme question, comment mais je joue. Ouais. C'est-à-dire. Au début, quand on connaît moins bien le jeu de rôle, on a tendance à jouer en étant un petit peu en retrait, en regardant comment les autres font, à jouer des personnages qui nous ressemblent, auxquels on se sent un peu plus facilement attaché. Et puis petit à petit, en fait, on a envie complètement de partir sur autre chose, de sortir de soi. C'est ça qui est sympa. C'est d'oser après sortir de soi. Pendant très longtemps, j'ai joué uniquement des femmes, ne serait-ce que ça. Et puis j'avais pas tellement l'attrait pour les gros bœufs, les jeux de rôle, etc. Et puis finalement, on y vient, c'est assez génial de jouer autre chose que ce qu'on est et réussir à le faire. Après, je pense que ça peut prendre du temps. Mais du coup, t'es plus dans une approche un peu interprétation au sens jeu d'acteur qu'au sens jeu de société finalement. Ça dépend aussi de l'ambiance du jeu, mais oui, de plus en plus en tout cas. C'est ce qui est le plus intéressant. Enfin, de toute façon, je pense que les gens jouent... Enfin, il y a différents types de jeux de rôle, mais moi, je joue en tout cas plutôt pour me plonger dans un univers et dans un personnage, univers dans lequel je ne joue pas, un personnage que je ne suis pas. Et donc, je dirais que le jeu est un support. Donc, on s'éloigne plus du jeu de société. Même si le côté jeu de société, ça donne un cadre commun, des règles communes à tout le monde, un côté fun dans l'aléatoire, etc., qui sont aussi importants parfois. Ouais, et puis qui peuvent donner un peu de sel, aussi. Après, bon, je suppose que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais moi je suis d'accord, hein. De toute façon on joue ensemble depuis très longtemps, donc on a une pratique qui a pas mal évolué ensemble, mais qui est plus dans la narration que dans la simulation. Voilà. je vais me faire des ennemis en disant ça, mais voilà. Du coup, ouais, c'était un peu la question que je m'apprêtais à te poser après, qui est la question un peu centrale de cette série d'interviews, c'est... Pourquoi tu joues en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Alors, tu nous as cité le dépaysement, le fait d'explorer des univers que peut-être tu connais déjà, je pense à Harry Potter. Qu'est-ce que tu viens chercher dans une partie de jeu de rôle et pourquoi est-ce que depuis tant d'années tu continues en fait? C'est pas la même question d'ailleurs. Non, pourquoi est-ce qu'on continue à lire des livres variés? Pourquoi est-ce qu'on continue à écouter des musiques? Pourquoi est-ce qu'on... Là, le jeu de rôle, pour moi, ça me permet justement de sortir complètement du quotidien, de découvrir des nouvelles choses. Et je pense que, mine de rien, il y a un imaginaire qui nous permet de faire plein de choses qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle, de s'y croire. On n'est jamais... moi, je sais que je ne serai jamais... un flic de cops super badass avec un gun à LA, bah, au jeu de rôle je peux, et pourquoi pas, et c'est des possibles à découvrir. Pour moi c'est ça, c'est sortir du quotidien avec, avec des nouveaux possibles, des portes nouvelles. Donc oui, je suis plutôt pour découvrir des nouvelles choses. Alors moi je suis d'avis qu'on peut pas trop jouer pendant 15 ans, pratiquer une activité pendant presque 15 ans, et que ça n'évolue pas. Alors est-ce que toi tu as remarqué une évolution dans ta pratique à toi, dans la pratique de notre table? Oui, au tout début je pense qu'on était même plus près du jeu de société. On était, donc en plus il y a des règles quand même assez... assez carré. T'as le combat sur quadrillage et tout. Hein. Voilà, donc on n'était pas non plus les tyrans des règles, mais on était un peu plus rigoureux qu'on peut l'être maintenant. Et il y avait un peu le côté de on gagne ou on perd, comme un jeu. Et là maintenant, si je meurs dans un jeu, je ne vais pas forcément me dire j'ai perdu. J'aurais pas perdu. Il n'y a plus cette notion-là qu'il y avait au tout début, qu'il y a dans un jeu de société justement, ou dans un jeu vidéo. On gagne ou on perd. Alors on réussit des choses ou on ne les réussit pas, mais finalement, il n'y a plus tellement cette notion-là dans mon approche à moi. Après, je ne sais pas si les autres joueurs de la table seront d'accord. Bon, on va leur demander, hein, comme ça on saura. En tout cas, pour moi, hein, c'est mon avis, hein, de toute façon, chacun s'exprime de son point de vue. Il y a quand même une volonté peut-être maintenant plus claire de vouloir jouer en collectif et raconter une histoire. Alors qu'avant, il y avait une sorte de rivalité entre joueurs, enfin c'est ce que j'ai l'impression, il y avait un peu de rivalité sur être le plus badass, être le plus polyvalent, être le plus machin et tout. Sachant que dans un jeu comme Donj, tu peux pas parce que tout le monde a ses talons d'Achille et ses forces. Et maintenant, on est plus en mode quelle histoire va-t-on raconter, y compris avec les forces et les faiblesses de chacun. Et une faiblesse de ton perso peut aussi être un point d'accroche pour l'histoire en fait. Oui, mais au-delà même de l'évolution, parce qu'on a joué longtemps en jeu de rôle, il y a l'âge. On a commencé, on était jeunes. Et le rapport justement aux autres n'est pas le même, la confrontation n'est pas la même quand on est ado. Et je pense que maintenant on n'a plus tellement cette... Enfin, il y a aussi un gain en maturité qui fait qu'on est un peu moins dans la confrontation et toujours à dire « moi j'en sors plus ». On est plus dans le collectif effectivement, et même quand on rejoue à Donjon maintenant, on ne joue pas du tout de la même manière qu'avant. Et on est beaucoup moins en confrontation, sauf si le scénario justement nous met en confrontation. Dans ces cas-là, on le jouera peut-être même plus volontiers qu'avant, parce qu'avant, tuer un joueur à la table, c'était compliqué. Ça ne se faisait pas, il y a des règles aussi un peu de loyauté à respecter, alors que maintenant on sait que ça fait partie de l'histoire, et si on est poussé à le faire, on le fera. Et c'est pour ça qu'on a découvert Sombre. Oui, mais Sombre, moi, tu sais, je suis moins fan. Alors pourquoi ? Parce que j'ai joué des parties, peut-être parce que j'ai joué des parties plus courtes. Je me suis amusée quand même, mais j'ai moins l'attache au personnage. J'ai plus l'impression qu'il y a un côté cinquième degré, parce que c'est très exagéré aussi parfois. J'ai pas réellement peur, et le personnage m'y attache pas en si peu de temps. Et quand on a un personnage et qu'on le reçoit et qu'on a l'impression que c'est déjà de la chair à canon une fois qu'il arrive, c'est plus compliqué de s'y attacher. Et t'as déjà eu peur, c'est un truc que tu recherches ou pas, dans un jeu de rôle qui soit pas sombre? Par exemple, on a joué beaucoup à l'appel de Cthulhu. Oui, moi j'ai déjà eu peur, tu le sais. J'ai déjà eu peur au jeu de rôle, et je dirais pas que je recherche la peur, mais je recherche les émotions, alors que ce soit de la peur ou autre chose. Si on ressent, tant mieux. Si on ressent rien, ça sert à rien de venir. Ouais, on est beaucoup plus... peut-être aussi plus protégé. On ne veut pas se mettre dans une situation où... Il y a quelque chose qui relève de l'intimité là-dedans. C'est aussi ce qu'on disait un peu l'autre jour quand on s'est vu... Il y a quelque chose quand même, on se livre pas mal quand on joue, et le fait de se connaître depuis beaucoup plus longtemps que quand on a commencé, où on était quand même au collège quand on a commencé, on avait 15 ans quoi, en gros, maintenant on a presque 30. voilà, il y a peut-être quelque chose où on se fait plus confiance les uns les autres, et y compris pour ressentir des émotions, parce qu'on est on se sent entouré par des gens qui vont pas nous tacler ou en profiter d'une manière ou d'une autre. Il y a les deux. Il y a la confiance qu'on peut avoir avec une table de gens qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont des amis et qui, du coup, c'est un lieu sûr, on va dire, donc on est à l'aise. et en même temps on a aussi des rôles dans les groupes d'amis et on jouera pas de la même manière si on est avec des inconnus qu'on verra jamais et où on se dira j'en ai rien à foutre de ce qu'ils vont penser de moi et demain je les reverrai plus. Donc je pense que à la fois ça permet d'avoir, quand on a une table soudée comme ça, ça permet d'avoir cette confiance et d'être à l'aise. Et en même temps, ça empêche aussi sans doute d'autres choses, notamment aussi parce qu'on a notre routine dans notre manière de jouer, qu'on fait des petites private jokes un peu à chaque fois, qui peuvent parfois casser certaines ambiances. Donc, je confirme. Désolée. mais ça reste un plaisir parce que c'est quelque chose de collectif et on est là aussi pour passer un bon moment tous, que ce soit en ayant peur ou pas, c'est pour passer un bon moment, déconner tous ensemble et avoir l'impression d'avoir fait un voyage commun et de l'avoir fait d'ailleurs, mais sans bouger de la table. Ok, super. Bah écoute, c'est super clair. Moi, j'ai une dernière question qui est un peu hors sujet. Je ne sais pas si tu avais dit ce que tu voulais sur pourquoi tu pratiques le jeu de rôle. Oui, moi je pense que c'est assez clair. Et donc du coup, ma dernière question, ça porte un peu sur ce qu'on appelle le milieu, ce que je disais en intro, le milieu du jeu de rôle. Il y a quand même des magazines qui existent, il y a une vie sur Internet qui est assez active, il y a pas mal de choses qui paraissent, etc. Il y a des clubs, il y a des boutiques, etc. Mais c'est pas quelque chose, j'ai pas l'impression que ça t'intéresse trop. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Ça m'intéresse pas trop. Je sais pas, moi je suis plus dans le jeu sur le moment et j'ai pas trop l'intérêt de tout l'univers qu'il y a autour. Alors après je suis contente quand on me fait découvrir des choses, mais c'est vrai que c'est pas moi qui vais aller les chercher. Alors quand je zone dans un magasin, je peux feuilleter quelques livres, etc. Mais c'est vrai que sinon je préfère en discuter avec les gens que je connais, avec qui je joue, même avec les gens avec qui je ne joue pas mais qui sont intéressés par le sujet, plutôt que d'aller chercher tout ce qu'il y a dans l'univers qui peut être parfois un petit peu fermé. Et puis il y a tellement de pratiques différentes que trouver des gens aussi et des choses qui correspondent vraiment à ce qu'on attend, ça demande aussi un sacré temps que j'investis pas tellement là-dedans. Bah écoute, pas de problème. De toute façon, quand on voit qu'il y a une polémique toutes les semaines, tu rates pas forcément toujours grand-chose. Bon, bah tant mieux alors. Écoute, Alice, merci beaucoup pour tes réponses. De rien, bah c'était un plaisir. Et puis, on va s'en tenir là pour le premier épisode. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là. Musique rock, générique.